Vous aimez le podcast Vie artificielle de David Medernac ou le podcast Scepticisme scientifique, pardon, de Jean-Michel Abrassard, alors vous aimerez certainement aussi Podcast Science et vice-versa. C'est ce qu'indique le moteur de recommandation d'iTunes aux visiteurs curieux qui s'aventurent sur la page de l'un de ces trois excellents podcasts. J'évite de faire dans la nuance pour ne pas fausser l'algorithme. Vous êtes-vous déjà demandé comment iTunes sait que vous aimez tel ou tel podcast? Comment Amazon peut prédire que vous aimerez tel bouquin? Comment Facebook décèle vos affinités avec vos amis potentiels? Et pourquoi ces systèmes vous prédisent parfois n'importe quoi? Vous avez aimé Nico la semaine dernière lorsqu'il parlait d'algorithmes? Eh bien, vous allez aimer Mathieu qui en décrypte pour nous ce soir une application particulière, j'ai nommé les algorithmes de recommandation. Et oui, notre rockstar est de retour. La twittosphère s'emballe d'ailleurs, vous êtes sur Podcast Science et nous vous recommandons d'y rester. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, Alan à Lausanne pour vous servir, alias Professeur Fun, à mes côtés ce soir, ou virtuellement du moins, à Montpellier, Hélène, salut Hélène. Salut. À Lyon, Marco, salut Marco. Salut tout le monde. Et à Barcelone, un podcasteur que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'entendre cette année, qui commençait à nous manquer méchamment, c'est Mathieu, salut Mathieu. Salut tout le monde. Ça faisait un moment qu'on t'avait pas entendu, ça fait plaisir. Ouais, bon, moi j'ai continué à vous entendre par contre, je vous écoutais religieusement chaque semaine. C'est vrai que je suis content d'être là, de retour. Ouais, la classe, toujours de Barcelone? Toujours de Barcelone, ouais. T'as le soleil? Ouais, moyen, un peu, bref, bah, pas trop encore. Bon. Ça dépend des jours, gris, des fois non, ça dépend. Bah, espérons que ce soit pour bientôt. En tout cas, tu nous as manqué, tu as manqué à nos auditeurs. Je crois que tout le monde est extrêmement content de te retrouver. Puis donc ce soir, tu nous as préparé un dossier vachement costaud sur les algorithmes de recommandation, c'est ça? C'est ça. D'ailleurs, c'était un dossier qui avait été demandé par les auditeurs, si je me trompe pas. C'est ça, non? Ouais, je crois. Je me rappelle plus qui. Je Ouais. vais aller je vais aller farfouiller Enfin, il avait été si je retrouve. voté. Il avait été voté, je crois, par la majorité des auditeurs sur le site. Et personne n'a Alors, osé s'y attaquer, c'est toi qui t'y es collé. Brave Mathieu, voilà. amateur de sujets impossibles. Ok, bah écoute, on t'écoute religieusement, tu peux attaquer. Ok, alors il y aura peut-être des moments un peu compliqués, un peu techniques, donc il faudra un peu s'accrocher. N'hésitez pas à m'arrêter si vous comprenez rien. Compte sur nous. Il y aura aussi peut-être quelques anglicismes, parce que voilà, il y a des termes techniques, j'ai eu un peu de la peine à traduire une fois ou l'autre, donc vous pouvez aussi me donner un coup de main pour les traduire si jamais. Ça marche. Alors, bon, les algorithmes de recommandation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des centaines d'algorithmes qui ont été utilisés pour l'implantation de systèmes de recommandation. Et la plupart d'entre eux relèvent en fait, de concepts mathématiques assez avancés. Alors, dans ce dossier, on va tenter d'analyser différentes approches et stratégies qui sont utilisées lors de la mise en place d'un système de recommandation. Alors, par système de recommandation, on va regarder ce que nous dit Wikipédia, qui dit qu'un système de recommandation, pardon, Wikipédia définit un système de recommandation comme une forme spécifique de filtrage de l'information visant à présenter les éléments d'information qui sont susceptibles d'intéresser l'utilisateur. Alors bon, par élément d'information, on entend ben, tout type d'information. Ça peut être des films, de la musique, des livres, des news, des images, des pages web, enfin tout ce qu'on veut. Donc dit autrement, un système de recommandation cherche à prédire la valorisation ou la préférence qu'un utilisateur attribuerait à un objet ou à un élément social qu'il n'avait pas en considéré. Donc par élément social, on peut imaginer une personne, un groupe de personnes, une communauté. Alors, généralement, un système de recommandation requiert généralement trois étapes. La première des étapes consiste à recueillir de l'information sur l'utilisateur. La deuxième étape consiste à bâtir ce qu'on appelle une matrice ou un modèle utilisateur contenant l'information recueillie. Et la troisième étape, elle consiste à extraire à partir de cette matrice, de ce modèle utilisateur, une liste de recommandations. Alors, on Ok, va passer. jusque-là, ouais. Jusque-là, c'est clair, non? Ouais, on arrive à suivre. Ça va. Bon, je vais juste passer en revue rapidement ces trois étapes, déjà, pour un peu se mettre dans l'idée. Alors, la collecte d'informations, la première étape. Alors, pour être pertinent, Un système de recommandation doit pouvoir faire des prédictions sur les intérêts des utilisateurs. Il faut donc pouvoir collecter un certain nombre de données sur ceux-ci afin d'être capable de construire un profil pour chaque utilisateur. Alors, il y a une distinction qui peut être faite en deux formes de collecte de données. La première, c'est ce qu'on appelle la collecte de données explicite ou le filtrage actif. Alors, ça repose sur le fait que l'utilisateur indique explicitement au système ses intérêts. Alors, par exemple, on peut demander à un utilisateur de commenter, de taguer, étiqueter, de noter, de liker ou encore d'ajouter comme favori des contenus qui l'intéressent. On utilise souvent une échelle aussi qu'on appelle de rating. Typiquement, ça c'est un mot que je ne sais pas tellement comment traduire en français, le rating. Évaluation, je dirais. Évaluation, ouais. Ouais. Mais j'étais pas hyper convaincu. Enfin bon, je vais peut-être Ouais, continuer à utiliser ça pète plus en ratings. anglais, je suis d'accord. Ouais. Donc on utilise souvent aussi une échelle de ratings allant de 1 étoile pour dire qu'on n'aime pas du tout jusqu'à 5 étoiles pour dire qu'on aime beaucoup. Et généralement, ces étoiles sont ensuite transformées en valeurs numériques afin de pouvoir être utilisées par les algorithmes de recommandation. Alors l'avantage des collectes de données explicites, c'est la capacité à reconstruire l'historique d'un individu et la capacité à éviter d'agréger une information qui ne correspond pas à cet utilisateur. Par contre, un des inconvénients, c'est que les informations recueillies peuvent contenir des biais qu'on appelle de déclaration. C'est-à-dire quelqu'un a peut-être mis 2 étoiles, ou plutôt quelqu'un a peut-être mis 5 étoiles, donc le maximum pour un contenu, alors qu'il l'a aimé finalement que moyennement. Donc on peut avoir un peu des biais de déclaration dans ce sens-là. Ok, si jamais on a John Kallak dans la chatroom qui nous propose notation comme traduction de rating. Notation. Notation, ouais, c'est mieux qu'évaluation. D'accord. Ouais. Alors j'essaierai de remplacer le mot rating par notation si j'y Va arrive faire dans mon un dossier. recherche remplace à la volée. Alors ça, c'est pour la collecte de données explicite. Une autre forme, c'est ce qu'on appelle la collecte de données implicite ou le filtrage passif. Alors ça repose sur une observation et une analyse des comportements de l'utilisateur effectuée de façon implicite dans l'application qui embarque le système de recommandation. Et le tout se fait en arrière-plan, en gros, sans rien demander à l'utilisateur. Alors par exemple, ça pourrait être obtenir la liste des éléments que l'utilisateur a écoutés, regardés ou achetés en ligne. Ça peut être le fait d'analyser la fréquence de consultation d'un contenu par un utilisateur, le temps qu'il a passé sur une page, ou plus généralement monitorer le comportement en ligne de l'utilisateur, analyser son réseau social, etc. L'avantage de la collecte de données implicite, c'est qu'aucune information n'est demandée aux utilisateurs, contrairement à la collecte explicite. Toutes les informations sont collectées automatiquement. Les données récupérées sont a priori justes et ne contiennent pas de biais de déclaration. Par contre, l'inconvénient, c'est que les données récupérées sont plus difficilement attribuables à un utilisateur et peuvent donc contenir des biais d'attribution. C'est par exemple le cas où on a une utilisation commune d'un même compte par plusieurs utilisateurs, par exemple. T'as appelé ça comment? Le biais d'attribution? Voilà, ouais. D'accord. Ouais, c'est le cas de figure où tu commandes un truc pour quelqu'un d'autre aussi. Par Moi, exemple aussi, ouais. ça m'est arrivé une fois sur Amazon, il y a 5 ans, j'avais commandé un Scrabble pour ma mère, et puis depuis chaque fois qu'il y a un nouveau produit Scrabble qui sort, je reçois une recommandation alors que ça m'intéresse pas du tout. Ouais, c'est C'est. exact. Ouais. Je suis content de savoir que ça porte un nom, donc c'est le biais d'attribution. Ouais, justement, bah, c'est ce que je voulais dire. Par exemple, on peut avoir le cas d'un utilisateur. Un utilisateur peut ne pas aimer certains livres qu'il a achetés, par exemple. Il a Aussi, ouais, acheté un c'est livre, mais vrai. ça ne veut pas dire qu'il l'a aimé. Ou il Ouais. peut, comme dans ton cas, l'avoir acheté pour quelqu'un d'autre aussi. Alors ça, c'est pour la collecte d'informations. D'accord? Il y a deux formes. La forme explicite, où on demande à l'utilisateur de fournir des informations, et la forme implicite. La deuxième étape, c'est de créer, à partir de ces informations, un modèle qu'on appelle utilisateur. Alors, le modèle utilisateur, lui, se présente généralement sous forme de matrice ou d'un tableau. Donc, on peut se le représenter comme un tableau qui contient des données recueillies sur l'utilisateur qui sont associées aux produits disponibles sur le site. On verra plus tard un peu dans les algorithmes comment ça se déroule tout ça. Un autre point important, c'est aussi comment le temps influence le profil de l'utilisateur. Parce que les intérêts des utilisateurs, généralement, évoluent aussi au cours du temps. Les données du modèle utilisateur devraient donc constamment être réajustées pour rester conformes au nouveau centre d'intérêt de l'utilisateur. Et Bah la ouais, parce troisième. que sinon on me proposerait des Power Rangers là. Ouais, c'est pour ça que c'est pas facile ces algorithmes de recommandation parce qu'il y a voilà, il y a aussi un facteur temps qui joue son rôle finalement. Ouais, là, en Ouais, c'est plus, vrai. à notre époque, là, à 11 ans, là, les petits commencent déjà à surfer sur Internet. Ça se trouve, le gars, dans 10 ans, là, on lui propose encore des Playmobil. Ouais, c'est ça, Voilà. ou quand y a une période de ta vie où tu dois acheter des couches culottes, si on continue de t'en vendre 10 ans plus tard, ça rime juste à rien en général. Exactement, ouais. Alors ça, c'est toute la problématique du modèle utilisateur. Mais bon, une fois qu'on a réussi à mettre en place donc ce modèle utilisateur, c'est-à-dire qu'on a réussi un peu à associer les intérêts de l'utilisateur avec des produits qui sont disponibles sur le site web, on peut commencer à extraire une liste de recommandations. Alors, pour extraire une liste de suggestions à partir d'un modèle utilisateur, les algorithmes, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent une notion de mesure qu'on appelle de similarité entre des objets ou des personnes qui sont décrits par le modèle utilisateur. Donc la similarité, en fait, elle a pour but de donner une valeur ou un nombre, donc au sens mathématique du terme, à la ressemblance entre deux choses. Et plus la ressemblance est forte, plus la valeur de la similarité sera grande, et à l'inverse, plus la ressemblance est faible, et plus la valeur de similarité sera petite. Donc on verra plus tard dans le dossier quelques exemples de similarité, quand on va parler d'algorithme. Alors ça, c'est pour la première partie. Donc on collecte d'abord les données, on monte un modèle utilisateur à partir de ces données, on extrait des recommandations. À partir de là, il y a généralement, on dit qu'il y a quatre approches possibles pour un système de recommandation. La première, c'est la recommandation qu'on appelle personnalisée. La deuxième, c'est la recommandation objet. En anglais, on l'appelle content-based filtering. La troisième manière, c'est la recommandation sociale. En anglais, on l'appelle collaborative filtering. Et la quatrième, c'est la recommandation hybride, qui mélange un peu les trois types de recommandations que j'ai citées précédemment. Alors, on va passer en revue un peu chacun de ces types de recommandations. Donc la première, la recommandation personnalisée, bon, c'est la plus simple et finalement c'est celle qui est maintenant la moins utilisée parce que les autres dont on va parler plus tard sont beaucoup plus performantes. Mais je vais quand même en dire quelques mots. Donc la recommandation personnalisée, en fait, il s'agit de recommander des objets sur la base du comportement passé de l'utilisateur. Alors par exemple, des produits achetés ou sélectionnés sur un site de e-commerce, ainsi qu'un certain nombre d'actions ou décisions effectuées par l'utilisateur qui permettent de prédire de nouveaux produits susceptibles de l'intéresser. Ou par exemple, on a les annonces publicitaires de Google, AdSense, qui peut être considéré comme un système de recommandation personnalisé qui se base sur le comportement passé de l'utilisateur, donc sa navigation, ses clics, son historique de recherche, etc. Alors ça, je ne veux pas tellement dire plus pour la recommandation personnalisée parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais on se base principalement sur le passé de l'utilisateur, sur ce qu'il a fait, point final, rien d'autre. Ok, c'est clair. Le deuxième type de recommandation, c'est ce qu'on appelle la recommandation objet. Alors ça, c'est un peu plus intéressant. Alors là, l'idée, c'est qu'il s'agit de recommander des objets ou des contenus en se basant sur les qualités et les propriétés intrinsèques de l'objet lui-même, et en les corrélant avec les préférences et intérêts de l'utilisateur. Alors, ce type de système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va extraire un certain nombre de caractéristiques et d'attributs propres à un contenu, afin de pouvoir recommander à l'utilisateur des contenus additionnels possédant des propriétés similaires. Et cette méthode crée en fait un profil pour chaque objet ou chaque contenu, c'est-à-dire un ensemble d'attributs et de propriétés qui caractérisent l'objet. D'accord? Par exemple, la décision de sélection et recommandation ou non d'un document à un utilisateur peut se baser sur le contenu, c'est-à-dire sur les mots présents dans celui-ci, c'est-à-dire sur une comparaison des thèmes abordés dans le document par rapport aux thèmes qui intéressent l'utilisateur. Un autre exemple, on peut aussi, pour décider la suggestion d'un article ou non, un système de recommandation peut se baser sur les mots-clés principaux de l'article et les comparer avec les mots-clés apparaissant dans d'autres articles que l'utilisateur avait évalués positivement dans le passé. Dans le cas d'un site de vente de livres en ligne, on va par exemple se baser sur les caractéristiques du livre pour effectuer des recommandations, comme par exemple le sujet que traite l'ouvrage, son genre, son auteur, l'éditeur, etc. On pourrait ainsi recommander le livre Harry Potter à un utilisateur si on sait d'une part que ce livre est un roman fantastique et d'autre part que l'utilisateur aime les romans fantastiques. Donc un système de recommandation pour, de type objet pourra donc accomplir cette tâche seulement s'il a à disposition deux types d'informations. 1. La description des caractéristiques du livre et 2. Un profil utilisateur qui décrit les intérêts passés de celui-ci en termes de préférence de type de livre. Donc la tâche de recommandation consiste à déterminer les livres qui correspondent le mieux aux préférences de l'utilisateur. D'accord. C'est clair jusque-là ? Ouais, jusque-là ça va bien. Donc tu as dit qu'on a la recommandation personnalisée qui est basée juste sur l'historique de l'utilisateur, et puis la recommandation objet ou content-based qui est basée à la fois sur les caractéristiques du produit qu'on veut recommander et sur les préférences de l'utilisateur. On essaye de les matcher les deux. Exactement. C'est ça, hein ? Ouais. D'accord, ok. Et après, donc, tu as d'autres types de recommandations encore. Après, on en parlera un peu plus tard, il y a la recommandation sociale et hybride. Mais là, on va essayer de parler, dans la recommandation objet, essayer de détailler peut-être une ou deux notions algorithmiques qu'on utilise. C'est là où ça risque d'être un peu compliqué. Ok, on est prêt, on est assis. Alors, les algorithmes de recommandation objet permettent de développer des modèles afin de trouver des patterns ou des motifs semblables en différentes données. Ils évaluent à quel point un contenu pas encore vu par l'utilisateur est similaire au contenu que celui-ci a évalué positivement dans le passé. Donc pour ce faire, on utilise, comme j'ai dit auparavant, la notion de similarité qui peut être mesurée, alors dans le cas de la recommandation objet, de plusieurs manières. Alors par exemple, le système peut tout simplement vérifier si le livre se trouve dans la liste des genres préférés de l'utilisateur. Dans ce cas, la similarité sera de 0 ou 1, c'est binaire. D'accord ? Ou le type de livre est dans le genre de préférence de l'utilisateur, donc c'est 1 ou il n'est pas, c'est 0. D'accord ? Mm-hmm. Une autre façon serait de ne pas se baser sur le genre du livre, mais sur les mots-clés qui caractérisent l'ouvrage. Et calculer la similarité de chevauchement entre les mots-clés du livre, qui va éventuellement être suggéré, avec les mots-clés préférés de l'utilisateur. Et un des indicateurs de mesure de similarité qu'on utilise dans le cas d'un objet avec des propriétés multivaleurs, c'est le cas quand on utilise des mots-clés, c'est le coefficient de Dice. Alors, si chaque livre est décrit par un ensemble de mots-clés, le coefficient de Dice permet de mesurer le degré de similarité entre deux livres à partir de leurs mots-clés. Ok ? Ok. Dice, c'est quelqu'un ? C'est un mathématicien ? Ouais, je crois, ouais. D'accord. Ah, mais ça à vérifier, mais je crois. Ouais. Et t'écris ça comment ? D-I-C-E. Ok. Ça veut dire les D, aussi, en anglais ? En anglais. Ouais, c'est un nom prédestiné si c'est un mathématicien, j'adore. Alors, pour un peu approfondir la notion de recommandation objet, dans le cas de documents de texte, on peut également imaginer que le contenu de chaque document soit décrit à partir d'une liste de tous les mots apparaissant dans le document, et décrire chaque document par un vecteur de valeur binaire, où un 1 indiquerait que le mot apparaît dans le document, et un 0 indiquerait que le mot n'apparaît pas dans le document. Et si le profil utilisateur est décrit par une liste similaire, aussi, un 1 indique un intérêt pour un mot-clé, et un 0, bon, en fait, on aurait seulement un 1 qui indique un intérêt pour un mot-clé, on peut facilement associer et proposer des documents en mesurant le chevauchement entre les mots-clés qui intéressent l'utilisateur et les mots contenus dans le document. Ok ? Alors, il y a un problème qui surgit avec une telle approche, c'est qu'on assume que chaque mot a la même importance au sein d'un document. Or, un mot qui apparaît très souvent ne caractérise pas forcément mieux un document. En plus, un plus large chevauchement entre les références de l'utilisateur et un document apparaîtra naturellement plus le document est long. D'accord ? Donc plus le document est long, plus il y aura de chevauchement entre les mots, parce que le document a plus de mots. C'est clair ? Ouais, c'est clair. D'accord. C'est très clair. Oui, c'est logique. Ouais. Donc en conséquence, le système de recommandation tendra à proposer des documents longs. Donc pour résoudre ce problème, on applique des techniques qui permettent de réduire le poids des mots qui apparaissent très souvent et d'augmenter le poids de ceux qui apparaissent plus rarement. Et pour rendre encore plus compacte la liste des mots présents dans un document, on peut aussi quitter un certain nombre de mots qui sont sans intérêt, comme les prépositions, les articles, etc. En normalisant aussi différentes variantes d'un même mot, par exemple les verbes conjugués sont remplacés par leur infinitif. Bon, on peut aussi aider à rendre plus compacte la liste des mots qui caractérisent un document. On peut aussi décider de limiter la liste aux N mots les plus pertinents apparaissant dans les documents. Alors, différents travaux ont montré que le nombre optimum de mots à prendre en compte se trouve aux alentours de 100. Parce que si trop peu de mots sont sélectionnés, moins de 50, on voit que d'importantes caractéristiques d'un document ne sont pas couvertes. Et si trop de mots sont inclus, certains ont peu d'importance et apportent plus de bruit qu'autre chose, ce qui réduit la qualité de la recommandation. On utilise aussi parfois des bases de connaissances lexicales externes pour éliminer des mots non pertinents. Donc, de façon générale, les algorithmes de recommandation objet assignent un poids plus ou moins élevé aux attributs d'un contenu selon l'importance de ceux-ci. Et le poids exprime finalement l'importance de chaque attribut pour un utilisateur. Alors, un autre algorithme de recommandation objet qu'on utilise couramment, c'est la méthode de retour de pertinence de Rocchio. Je crois qu'on prononce comme ça, Rocchio. En anglais, ce serait Rocchio's Relevance Feedback, ou classification de Rocchio. Alors, l'idée de cette méthode, c'est de prendre en compte le point de vue des utilisateurs sur les recommandations proposées. Le principe simple, en fait, repose sur le fait que l'utilisateur est le seul à savoir exactement ce qu'il recherche et apprécie. Il est donc le plus à même de juger de la pertinence des suggestions retournées par un système de recommandation. Donc, partant de cette idée, les systèmes exploitant le retour de pertinence permettent de récupérer ces jugements utilisateurs et les exploitent pour améliorer et affiner les recommandations. Donc techniquement, l'idée est dans un premier temps de... Alors là, ça risque d'être un peu compliqué. Techniquement, l'idée, c'est dans un premier temps de décomposer les contenus évalués par l'utilisateur en deux groupes. On aurait un premier groupe qu'on appellerait D+, qui est le contenu évalué positivement et qui est pertinent pour l'utilisateur. Et un autre groupe D-, qui est le contenu évalué négativement et qui est non pertinent. Et par un procédé mathématique, on calcule une moyenne qui permet de déterminer le centre de chacun des deux groupes, ce qu'on appelle le centroïde en mathématiques. C'est une sorte de centre de gravité un peu de chaque ensemble, de l'ensemble des contenus évalués positivement et l'ensemble des contenus évalués négativement. Et lorsqu'une nouvelle requête est effectuée par l'utilisateur, les résultats recommandés sont pondérés en fonction de ces deux groupes. C'est-à-dire, on ajoute au résultat de la requête la liste D+, donc des éléments évalués positivement, et on soustrait ou on retire la liste D-, donc les éléments évalués négativement, et le tout de façon pondérée. Et l'effet obtenu, c'est que les résultats retournés se rapprochent à chaque itération un peu plus du centre, donc du centroïde, de la liste D+, des contenus évalués positivement par l'utilisateur. Et avec cette technique, on voit qu'il est possible d'affiner la requête initiale des utilisateurs au fur et à mesure que ceux-ci fournissent des jugements de pertinence sur des documents consultés. Et le système de recommandation est donc doté d'une boucle de retour qui permet au même système de reformuler des recommandations plus pertinentes en favorisant ou en écartant certains contenus. Est-ce que vous avez compris quelque chose ? Je crois, ouais, mais je serais incapable de faire mon petit résumé habituel. Ouais, bon, j'ai mis une image dans le dossier, vous pourrez la consulter, ce sera un peu plus clair, mais bon, c'est un concept mathématique où on essaie de déterminer un peu le centre de gravité d'un groupe d'éléments positifs et d'un groupe d'éléments négatifs. Et quand on retourne des recommandations à un utilisateur, on inclut ces éléments positifs, on les rajoute s'ils sont pas, et on enlève ceux qui ont été évalués négativement et l'utilisateur nous répondra s'il aime ou s'il n'aime pas, et avec ça, avec toutes ces itérations, on affinera de plus en plus les recommandations. Oui, d'accord, c'est un peu comme l'idée. Ça je vois bien. D'accord. Excellent. Alors, d'une manière générale, pour la recommandation objet, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'une large communauté d'utilisateurs pour pouvoir effectuer des recommandations. Une liste de recommandations peut être générée même s'il n'y a qu'un seul utilisateur, finalement, parce qu'on se base sur les contenus. D'accord ? L'inconvénient ou les inconvénients, bon, on voit que certains attributs peuvent être extraits automatiquement d'un contenu, comme par exemple pour un document de texte, on peut relativement facilement déduire certaines propriétés sémantiques automatiquement. On voit aussi qu'en pratique, des caractéristiques et propriétés comme le genre d'un livre ou la liste des acteurs dans un film sont généralement aussi fournis par les créateurs du livre ou du film et sont généralement offerts sous forme électronique. Donc ça, ça cause pas trop de problèmes. Ce qui reste plus problématique, c'est l'acquisition des caractéristiques subjectives et qualitatives. Des propriétés comme par exemple le style, le design, les opinions peuvent difficilement être acquises automatiquement. Et elles devront plutôt être introduites manuellement avec tout ce que ça implique comme le coût et les éventuelles erreurs. Ok ? Donc ça, c'est pour la recommandation objet. Maintenant, on va parler de la recommandation sociale. C'est un autre type de recommandation. Donc on a vu la recommandation personnalisée, la recommandation objet. Maintenant, le troisième type, recommandation sociale. Là, l'idée, c'est de recommander des choses sur la base du comportement passé, alors non pas de l'utilisateur même, mais des utilisateurs similaires, en effectuant une corrélation entre des utilisateurs ayant des préférences et intérêts similaires. Alors, on utilise des méthodes qui collectent et analysent des données sur le comportement, les activités, les préférences des utilisateurs, et des algorithmes tentent de prédire ce que l'utilisateur aimera en cherchant des utilisateurs qui ont les mêmes comportements que l'utilisateur à qui l'on souhaite faire des recommandations. Alors, l'idée sous-jacente est de dire que si une personne A a la même opinion ou les mêmes goûts qu'une personne B sur un objet X, alors la personne A a plus de chances d'avoir la même opinion que B sur un autre objet Y, plutôt que d'avoir la même opinion que quelqu'un choisi au hasard pour l'objet Y. Donc l'idée de base est donc de dire que si des utilisateurs ont partagé des mêmes intérêts dans le passé, il y a de fortes chances qu'ils partagent aussi les mêmes goûts dans le futur. Alors, dans la recommandation sociale, il y a deux grands groupes, deux grandes techniques. Bon là je les cite en anglais, la première c'est la memory based, donc basée mémoire, et la deuxième c'est model based, basée modèle. Alors on va regarder les deux, on va commencer par la première, la memory based. Alors un des algorithmes qu'on utilise dans ce cadre de memory based, alors je vais le dire en anglais, c'est un nom très barbare, on va essayer de le traduire. User-based nearest neighbor, donc le voisin le plus proche centré utilisateur. Ok. Ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, tu vas me dire. Mais alors, les algorithmes de recommandation sociale utilisent généralement différentes variantes justement d'un mécanisme basé sur le voisinage proche. Dans cette approche, un nombre d'utilisateurs, qu'on appelle des utilisateurs pairs ou les plus proches voisins, est identifié et sélectionné sur la base de la similarité de leurs intérêts et préférences avec l'utilisateur actif. On utilise alors principalement les notations, donc les ratings, par exemple sur des films, de ces utilisateurs voisins pour calculer des similarités avec l'utilisateur actif. Et pour chaque produit P que l'utilisateur n'a pas encore vu, une prédiction est faite en se basant sur les ratings de P assignés par le panel d'utilisateurs voisins. Donc cette méthode, elle suppose deux conditions initiales qui peuvent être vues comme des inconvénients. La première, c'est qu'on assume que si des utilisateurs ont eu des goûts similaires dans le passé, ils auront aussi des goûts similaires dans le futur. Bon, c'est... voilà. Et la deuxième condition, c'est que les préférences des utilisateurs restent stables et cohérentes dans le temps. On a dit qu'au début, c'était pas forcément le cas. D'accord ? Donc c'est quand même deux petits inconvénients. Mais on prend ces conditions comme ça. Alors pour bien comprendre, on peut essayer d'imaginer un tableau, une matrice de notation de films. Avec sur un axe les utilisateurs et sur un autre les films. Chaque cellule du tableau contient la notation donnée par un utilisateur pour un film. Vous arrivez à vous imaginer ça déjà ou bien ? Ouais. Ok. Donc, un signe plus indique que l'utilisateur a aimé le film, un signe moins qu'il ne l'a pas aimé. Et pas de signe signifie qu'il n'a pas d'avis particulier sur ce film. Alors, pour pouvoir prédire si... Alors là, j'ai utilisé des noms anglais parce que j'ai mis un tableau, j'ai pris une source, c'est en anglais. Alors, c'est pour rester cohérent. Donc, pour pouvoir prédire si Ken apprécierait le film Fargo, et éventuellement lui recommander ce film, on compare les ratings de Ken à ceux des autres utilisateurs sélectionnés. Et on peut voir, par exemple, qu'il y a un autre utilisateur qui s'appellerait Mike, qui a des ratings identiques. Et vu que Mike a aimé le film Fargo, on pourra alors prédire que Ken aimera aussi ce film, et lui faire cette suggestion. D'accord. D'accord? Et je vais peut-être juste décrire le tableau parce que moi je me l'étais imaginé, puis là, je suis allé le regarder sur le dossier, il faisait pas du tout ce que j'avais imaginé. Donc en fait, on a une espèce de d'échiquier ou un tableur avec des lignes et des colonnes qui s'entrecroisent. Chaque colonne correspond à un nom de personne et puis chaque ligne correspond à un nom de film. Voilà. Et à l'intersection entre personne et film, on a un plus ou un moins selon que la personne a aimé ou pas le film. Et puis c'est comme ça qu'on peut voir, pour un même film, par exemple, qu'est-ce que tu as donné comme exemple? Fargo, c'était? J'avais dit que Mike et Ken avaient noté de manière similaire les différents films, en fait. On voit Ouais, que les deux d'accord. utilisateurs ont mis des plus et des moins sur les mêmes films. Ouais, ils ont aimé Cliffhanger, ils ont aimé Pulp Fiction, ils ont aimé The Piano dans ton exemple. Et l'idée, c'est de se demander. Par contre, Ken, il n'a pas vu le film Fargo, et on aimerait savoir s'il faut lui recommander. Donc, vu qu'on voit que Mike l'a aimé et que toutes les autres notations de Mike correspondent à Ken, bon, on dit bon ben, vu que Mike a aimé Fargo, ben Ken va aussi l'aimer. Ouais, ça tient Donc la route, ça, hein. ouais. Donc ça, c'est le modèle justement qu'on appelle user-centric, donc centré utilisateur. On regarde les notations des autres utilisateurs pour associer les utilisateurs. Alors, bon, au lieu de se D'accord. baser. Et excuse-moi, je te coupe. C'est un peu l'algorithme qu'utilise Amazon. Alors, je sais pas si vous voyez quand vous achetez un livre, par exemple, vous avez en dessous une Ouais. recommandation. Il y a écrit les gens qui ont acheté ce même livre ont aussi acheté. Puis il y a toute une liste de livres. Tout à fait, tout à fait. J'en parlerai un petit peu plus tard d'ailleurs, mais ouais, c'est dans cette idée-là, ouais. D'accord. Alors, au lieu de se baser uniquement sur l'utilisateur le plus semblable, là, dans notre cas de figure, c'était Mike, la prédiction est normalement calculée à partir de la moyenne pondérée des notations de plusieurs utilisateurs. Et le poids donné aux notations de chaque utilisateur est déterminé par le degré de corrélation entre cet utilisateur et l'utilisateur pour qui on désire faire la recommandation. Pour mesurer le degré de corrélation entre deux utilisateurs, alors, on fait appel au coefficient qu'on appelle coefficient de corrélation de Pearson. Alors, bon, il y en a plusieurs de ces coefficients et de ces indicateurs, hein. On peut en citer d'autres qui sont aussi utilisés comme indicateurs de similarité ou de proximité entre utilisateurs. Il y a la corrélation de Ringo, le coefficient de corrélation de Spearman. Bon, je vais juste dire deux mots sur le coefficient de corrélation de Pearson. Alors, le coefficient de corrélation de Pearson, lui, se calcule à partir des valeurs présentes donc dans la matrice, dans le tableau, et peut prendre une valeur de plus 1, ça veut dire forte corrélation positive, et moins 1, forte corrélation négative, c'est-à-dire très faible corrélation. Alors, par exemple, un coefficient de corrélation de 0,7 entre deux utilisateurs indiquerait une bonne similarité de leurs intérêts. On introduit aussi souvent dans le calcul de la mesure de Pearson, on ajoute à ce calcul un facteur de pondération afin de prendre en compte et pondérer le fait que certains utilisateurs ont toujours tendance à donner seulement des bons ratings et que d'autres ne vont jamais donner le rating maximum à un produit. Alors, il y a aussi des outils mathématiques pour essayer de prendre en compte ces choses-là. D'accord? Les systèmes de recommandation doivent généralement aussi gérer un grand nombre d'utilisateurs. Et faire des recommandations à partir de notations de millions d'utilisateurs peut avoir de sérieuses implications en termes de performance. Ainsi, quand le nombre d'utilisateurs atteint un certain seuil, ce qu'on fait, c'est on fait une sélection des meilleurs voisins doit être faite. D'accord? Donc pour déterminer quels sont, on va pas prendre tous les utilisateurs similaires, on va prendre les meilleurs. Alors pour déterminer quels sont les voisins les plus pertinents à sélectionner, alors là on utilise une déclinaison de cet algorithme initial que j'ai dit du nearest neighbor, du voisin le plus proche, qui s'appelle le K nearest neighbor, c'est-à-dire les K voisins les plus proches, qui permet de sélectionner justement les K meilleurs voisins ayant la plus haute valeur de corrélation. Donc tu dis K, c'est une variable qui peut remplacer n'importe quel Voilà, nombre. Ça pourrait être 2, voilà. 3 ou 10 000 voisins. Exactement. D'accord. On verra après que c'est un peu problématique pour déterminer quelle est la bonne valeur de cette variable aussi. Une autre approche, au lieu de dire qu'on prend les K meilleurs, une autre approche, c'est ce qu'on appelle la corrélation thresholding, serait de sélectionner seulement les voisins possédant une corrélation plus grande qu'un certain seuil. Alors, le problème dans ces deux approches réside dans le fait de sélectionner justement le bon nombre cas d'utilisateurs voisins à prendre en compte ou de déterminer la bonne valeur du seuil de corrélation. Si le nombre cas est trop petit ou si le seuil de similarité est trop élevé, le nombre d'utilisateurs voisins pris en compte sera trop réduit pour effectuer une bonne prédiction. C'est le problème qu'on appelle de la couverture réduite, ou en anglais de reduced coverage. Dans le cas contraire, lorsque K est trop élevé et que le seuil est trop faible, l'ensemble du panel de voisins est trop large, trop d'utilisateurs avec un degré de similarité finalement limité, ce qui amène du bruit additionnel dans les prédictions. Donc plusieurs travaux et situations réelles ont montré qu'un panel composé de 20 à 50 voisins donne de bons résultats. Ok. Alors on n'est pas non plus limité simplement aux ratings, donc aux notations ou aux likes, dislikes, j'aime pas. On peut aussi se baser sur des données plus implicites en observant le comportement de l'utilisateur sur le site, par opposition à la récolte de données explicites comme l'est le rating. On peut observer par exemple quelle musique il a écouté, quel article il a lu, et on croise ces infos avec celles du reste des utilisateurs avant de lui proposer des nouvelles questions. Alors la recommandation sociale de ce type-là, donc centrée utilisateur, qui essaie de chercher des similarités entre utilisateurs, a quand même certaines limites. Lorsqu'il s'agit d'un gros site qui gère des millions d'utilisateurs et un catalogue de milliers de produits, il faut scanner un grand nombre de voisins potentiels, ce qui rend impossible la recommandation en temps réel. Et pour pallier ce problème, les gros sites implémentent souvent une technique différente, plus apte au traitement préalable des données en hors ligne. C'est ce qu'on appelle le offline pre-processing. Donc la recommandation, et ce type de recommandation sociale ne s'appelle plus user-centric, donc n'est plus centré utilisateur, mais on l'appelle item-centric. Centré item, ça je sais pas comment traduire non plus. L'objet, la chose. Objet. Ouais. Alors faut pas la confondre avec la recommandation objet que j'ai fait auparavant. Article, voilà. Recommandation basée sur l'article. Alors recommandation basée sur l'article. Alors là, donc faut pas la confondre avec la recommandation objet, parce qu'on est toujours dans une recommandation sociale. On va toujours utiliser les avis des autres utilisateurs, mais on va essayer de chercher des similarités entre les éléments. Mm-hmm. Alors je vais expliquer un peu ça aussi. Donc cette autre approche qu'on appelle aussi item to item ou article to article propose une inversion de l'approche centrée utilisateur du proche voisin que j'ai cité auparavant. Au lieu de mesurer la corrélation entre des utilisateurs, les notations sont utilisées pour mesurer la corrélation entre les contenus, entre les films, par exemple. Donc en s'aidant toujours du coefficient de corrélation de Pearson, mais cette fois appliqué au contenu, et plus appliqué aux utilisateurs. Donc si par exemple les notations des deux films Fargo et Pulp Fiction ont une parfaite corrélation, c'est-à-dire qu'ils ont reçu les mêmes ratings positifs, négatifs ou nuls de la part des utilisateurs, on peut ainsi prédire que Ken aimera le film Fargo car il a aimé Pulp Fiction. Et les notations des utilisateurs sur ces deux films sont parfaitement corrélées. Vous avez suivi? Ouais. Donc pour le dire autrement, l'approche centrée item, centrée article, propose de rechercher en premier lieu des contenus similaires et ensuite de faire une recommandation à l'utilisateur. Cette approche permet de faire un traitement préalable sur la matrice pour déterminer les contenus similaires et ainsi pouvoir effectuer des prédictions en temps réel, contrairement à l'approche centrée utilisateur très gourmande en mémoire. D'accord, là, on peut faire vraiment un traitement hors ligne, à côté, parce que les contenus, on les a. Donc, on peut faire des calculs de similarité en hors ligne. Ouais, et puis on peut les planifier, on n'est pas obligé de tout faire en même temps et de bouffer toutes les ressources simultanément. Voilà. C'est... Ouais, d'accord. Donc, autant... Le coefficient de corrélation de Pearson est très utilisé pour déterminer des utilisateurs similaires, donc le cas de la recommandation sociale centrée utilisateur. Elle peut aussi être utilisée, comme je l'ai dit là, dans la recommandation centrée item. Mais on utilise aussi dans l'approche item-centric, plutôt comme indicateur de mesure de similarité entre éléments, un autre indicateur qu'on appelle de similarité cosinus ajusté. Alors, ne partez pas au courant. Ouais, j'ai failli partir. Heureusement que j'étais assis. Alors, non, je vais juste dire deux mots, mais pas grand-chose. Les valeurs possibles pour cet indicateur vont, comme dans le cas de la mesure de Pearson, de plus 1, donc forte similarité positive, à moins 1, forte similarité négative. Donc, peu de similarités finalement. Et une fois que la similarité entre les items a été établie à l'aide de la similarité cosinus ajustée, on peut alors prédire une notation pour un élément grâce au rating effectué par l'utilisateur sur les items similaires. Alors, dans cette approche, l'idée est de construire à l'avance la matrice de similarité entre les éléments. Et en temps réel, on peut facilement ensuite déduire la prédiction de recommandation d'un produit, donc la notation qu'aurait un produit pour un utilisateur actif, en déterminant depuis la matrice déjà construite quels sont les produits les plus similaires et en calculant la valeur moyenne des notations sur ces produits effectués par les utilisateurs voisins. Alors, d'une manière générale, la recommandation sociale a aussi ses avantages et ses inconvénients. L'approche purement de recommandation sociale n'exploite pas ou ne demande aucune connaissance sur les contenus eux-mêmes. Par exemple, dans le cas d'un magasin de vente de livres en ligne, le système de recommandation collaboratif, donc la recommandation sociale, on l'appelle aussi recommandation collaborative. Donc un système collaboratif n'a pas besoin de savoir le type de contenu de livre, son genre, qui en est l'auteur, etc. Pas besoin de se baser sur l'analyse des propriétés d'un livre ou d'un contenu, la recommandation sociale est capable de recommander des contenus sans avoir besoin de comprendre le sens ou la sémantique du contenu lui-même. Les informations propres au livre n'ont pas besoin d'être introduites dans le système. Donc ça, c'est un gros avantage, la recommandation sociale. Par contre, elle souffre quand même d'un certain nombre d'inconvénients. Alors la première, je dis en anglais « scalability », en français, échelonnage, mais je sais pas si c'est le bon mot. Ouais, au risque de faire bondir Marco, je crois qu'on dit évolutivité pour scalability. Évolutivité. Bon. Ouais, c'est l'idée. Enfin, c'est la possibilité de faire grandir les ressources en fonction des besoins. Exactement. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Parce que souvent, c'est encore une utilisation galvaudée du terme évolution, mais bon, c'est un autre débat. Parce qu'on voit souvent que les plateformes sur lesquelles sont utilisés ces filtres sociaux collaboratifs ont des millions d'utilisateurs, des produits et contenus. Donc ça demande beaucoup de puissance, on l'a déjà dit, de calcul pour pouvoir proposer des suggestions aux utilisateurs. Et la recommandation sociale de type centré utilisateur, on l'appelle justement memory-based, basée mémoire, car la base de données des notations est maintenue en permanence en mémoire dans le serveur et utilisée directement pour générer des recommandations à l'utilisateur actif. Alors bien que cette approche basée mémoire soit théoriquement plus précise, parce qu'elle a toujours les dernières infos, en permanence et en temps réel, elle a finalement toujours les données pour générer des recommandations, elle souffre de problèmes justement de scalability, donc d'évolutivité, pour des bases de données de millions d'utilisateurs et de millions de contenus. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans une approche centrée item, modèle qu'on appelle basé modèle, les données sont préalablement traitées hors ligne, donc ensuite l'exécution de l'application ou du service web, il y a un modèle qui a pris ou pré-traité qui serait utilisé pour effectuer les prédictions. Donc ce modèle, l'approche modèle basée modèle permet d'éviter les problèmes d'évolutivité. Okay. Mais il y a aussi des autres problèmes. Il y a un problème qu'on appelle en anglais de cold start, c'est-à-dire de départ froid. Les systèmes de recommandation sociale ont besoin de beaucoup de données et beaucoup d'utilisateurs pour être performants. Le lancement d'un service de recommandation peut souffrir au début d'un manque d'utilisateurs et d'informations sur ceux-ci. Donc ça, c'est le problème qu'on appelle du cold start. Il y a un troisième problème qu'on appelle de rareté, qui est un peu lié au cold start, ou en anglais on dit sparsity. Alors là, on voit que le nombre de produits ou contenus est énorme sur certains sites. Et même les utilisateurs les plus actifs auront noté ou valorisé qu'un tout petit sous-ensemble de toute la base de données. Donc même l'article le plus populaire n'aura que très peu de bonnes notes. Dans une telle situation, deux utilisateurs auront peu d'articles valorisés en commun, ce qui rend plus difficile la tâche de corrélation. Et c'est une situation qu'on retrouve lorsque le système dispose d'un ratio élevé de contenu par rapport aux utilisateurs, et qu'on retrouve aussi souvent au stade initial du lancement du service de recommandation. Ce qui nous ramène au problème du cold start que j'ai cité avant. Un ratio élevé de contenu par rapport aux utilisateurs, ça veut dire que tu as beaucoup d'articles dans ta boutique, par exemple, mais que tu as encore peu d'utilisateurs, c'est ça? Voilà, ouais. Quand il y a vraiment beaucoup d'articles, les utilisateurs ils vont pas noter tous les articles, ils vont noter quelques-uns. Ouais. Et même si on a des utilisateurs qui, en théorie, sont similaires, vu qu'il y a tellement d'articles, il y a peu de chances qu'ils aient noté les mêmes. Donc, on ne va pas savoir qu'ils sont similaires. Alors ça, c'était pour la recommandation sociale. Maintenant, on va parler du quatrième type de recommandation, qui est la recommandation hybride. Alors, la recommandation hybride, c'est finalement une combinaison des trois approches dont on vient de parler, la personnalisée, la recommandation objet et la recommandation sociale. Les méthodes hybrides sont de plus en plus utilisées car elles permettent de résoudre des problèmes, justement, que je viens de citer, comme le cold start et le problème de rareté qu'on retrouve dans une approche de recommandation uniquement sociale. D'autre part, si par exemple on considère deux utilisateurs avec les mêmes goûts, mais qui n'ont pas évalué des objets en commun, un filtrage collaboratif pur ne les considérera pas comme similaires ou voisins. Rappelons que la mesure de similarité standard ne prend en compte que les éléments pour lesquels l'utilisateur actif et l'utilisateur à comparer ont effectué un rating. Alors l'idée, c'est de pouvoir assigner une valeur par défaut aux éléments qui ont été notés ou seulement par un des deux utilisateurs, afin d'améliorer la qualité de prédiction en cas de rareté. En appliquant préalablement un algorithme de recommandation objet sur les contenus pour en exploiter leurs descriptions et caractéristiques, accompagné ensuite d'un algorithme de recommandation sociale pour effectuer les recommandations, peut aider à résoudre ces limitations, donc de cold start et de rareté. Autrement dit, pour les cas de rareté, lorsque peu d'items ont été évalués par les utilisateurs et qu'un filtrage collaboratif n'est pas possible, ce qu'on fait, c'est qu'on assigne en premier lieu un pseudo-rating, une sorte de vote artificiel par défaut à l'utilisateur, sur les contenus disponibles en utilisant préalablement un algorithme objet. Puis, on applique ensuite sur la matrice, qui contient finalement peu de vraies notations et beaucoup de pseudo-rating, pseudo-notations, mais on applique sur cette matrice un filtrage collaboratif, dans un deuxième temps. Vous avez compris? Ouais. Okay. Ouais, ça m'intrigue. Je m'étais jamais douté que ça puisse se faire de cette manière-là. J'apprends un truc. Bon, y a, comme j'ai dit au début, il y a des centaines d'algorithmes, donc il y a ouais, nombreuses manières de faire. Mais là, c'est un peu les idées générales. Hein. Okay. Alors, justement, Marco avait parlé d'Amazon. Alors, Amazon, lui, il utilise les trois approches. Donc, c'est une approche hybride. Il utilise l'approche personnalisée, sociale et objet. Amazon possède un système finalement très sophistiqué. Les recommandations sont d'une part personnalisées en se basant sur le comportement individuel passé de l'utilisateur, donc son historique de navigation et son historique d'achat. Mais d'autre part, Amazon utilise aussi les caractéristiques de l'article lui-même. Donc là, on est dans de la recommandation objet. Donc pour un livre, il utilise le genre, le type de livre, l'auteur, etc. Et Amazon utilise aussi les comportements d'autres personnes. Donc là, on est dans la recommandation sociale. D'ailleurs, tous ceux qui ont déjà fait un achat sur Amazon ont probablement dû lire le message de la part d'Amazon qui nous dit « Les gens qui ont acheté X ont aussi acheté Y. » Ouais, c'est ce que nous disait Marco tout à l'heure. Exactement, justement. Ouais. Mm-hmm. Donc là, on est dans une approche où finalement, qu'on avait dit avant, du plus proche voisin, mais basé item. Centré item. Ouais. Et il semblerait, alors ça c'est marrant, il semblerait que le système de recommandation d'Amazon représente plus de 30% du chiffre d'affaires global de la société, et ça en 2009. Donc, c'est-à-dire quoi, les gens ont acheté les trucs qui ont été recommandés par le système. Ouais, 30% du chiffre d'affaires global d'Amazon a été généré par des recommandations, par le système de recommandation d'Amazon. C'est fou cette histoire. Je vois, toi, tu as déjà cliqué sur un des liens qui est recommandé par Amazon. Non, mais je suis pas un utilisateur type. Moi, ouais, j'avoue. Les algorithmes de recommandation. Ah, moi, j'avoue, ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'est... Mais je trouve que c'est souvent pertinent quand même, les recommandations sur Amazon. Ok. En tout cas, pour mon cas, j'ai souvent remarqué que c'était vraiment. Enfin, c'était souvent des livres qui m'intéressaient. Ouais, il y a Georges Mackey qui nous demande dans la chat room si en gros on trouve que les recommandations d'Amazon sont pertinentes. Bon, moi j'ai un problème, je suis allé guigner sur Amazon.fr pendant qu'on parlait. En fait, je m'en sers seulement pour commander pour les autres. Alors j'ai des tas de recommandations qui concernent les livres qui concernent les goûts de ma fille qui a 12 ans. Ouais, c'est ton problème si tu fais des cadeaux. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je suis allé voir Amazon.com aussi, où j'ai tendance à plus acheter des trucs pour moi. Puis ouais, je dois avouer que c'est assez pertinent. Mais c'est vrai qu'à part ça, j'ai quand même, enfin, il me semble jamais avoir cliqué sur le lien. Maintenant, ce que je crois et ce que je fais vraiment, si ça se trouve, j'ai cliqué sur ces liens et acheté des livres derrière. Bon, moi, je crois que personnellement, je crois que j'ai jamais acheté un livre sur Amazon par recommandation. Je les ai, bon, probablement regardé comme ça, mais acheté, je crois pas, il me semble pas. On a John Kallak qui nous dit aussi dans la chatroom qu'en dehors des suites de séries sur des BD ou des romans, il a rarement acheté un objet qu'Amazon lui avait proposé. Ouais, il y a ça aussi, effectivement. Il peut te dire que si tu as aimé telle série du numéro 1 ou numéro 13, tu aimeras probablement le 14, ce qui est pertinent. Ok. Bon, ça c'est pour. On va là, je vais justement donner deux trois exemples. Là, on a parlé d'Amazon, Netflix. Alors bon, on connaît un peu moins en Europe, mais c'est un service de vidéos en ligne et de location de vidéos qui est très populaire aux États-Unis. Alors, c'est aussi un bon exemple de système hybride. Netflix propose des recommandations en comparant les habitudes de visionnage des films d'utilisateurs similaires. Donc là, on est dans de la recommandation sociale et suggère aussi des films. Qui partagent des caractéristiques avec des films que l'utilisateur a notés positivement. Donc là, on est dans de la recommandation objet. Google, lui, se focalise aussi sur une combinaison de trois approches pour améliorer son produit phare qui est son moteur de recherche. Il fait de la recommandation personnalisée, donc Google customise nos résultats de recherche quand cela est possible en se basant sur notre localisation ou nos dernières recherches. Lorsqu'on est connecté à notre compte Google, si on en a un, il propose un contenu encore plus pertinent en fonction de notre historique de recherche. Il fait aussi de la recommandation sociale. Typiquement, l'algorithme de PageRank est de manière intrinsèque un outil basé sur de la recommandation sociale dans la mesure où il utilise les liens entre les pages web. Et l'utilisation de contenu provenant des cercles de Google+, qui a été lancé, là, c'est aussi une forme de recommandation sociale, finalement. Ouais, c'est vrai que tu vois apparaître dans la liste des résultats de recherche Google maintenant que telle ou telle personne que tu connais recommande ce résultat. Ça, c'est nouveau, c'est depuis Google Plus, effectivement. Et il fait aussi de la recommandation objet. Donc Google utilise aussi une approche sémantique pour sa fonction Did you mean de son moteur de recherche. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de mal écrire un mot Ouais. et il vous dit, vous avez voulu écrire ce mot-là. Donc là, on est dans la recommandation objet. Il fait une analyse sémantique. Ok. Moi, j'ai juste un commentaire, c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais sur cette notion de résultats de recherche qui diffèrent sur Google en fonction, enfin selon qu'on est connecté ou non et en fonction de son historique de recherche, je dois dire que c'est un truc qui me fait un petit peu peur. Google, on avait l'habitude que ça nous livre le monde numérique tel qu'il est finalement en toute objectivité. Ça te présentait des résultats, enfin ça triait les résultats, mais juste sur une base de recommandations objets finalement, et pas tellement de recommandations sociales. Et c'est quelque chose qui est en train de changer. C'est-à-dire que Google va te conforter dans ta vision du monde aussi, à la place de te présenter la réalité telle qu'elle est. Tout à Et ça, je fait. trouve un petit peu dangereux. Je me mets dans les baskets d'un créationniste américain au hasard. Je dis ça parce qu'il y a Marco. Ah ben, Un en plus, j'ai exactement pensé à ça. Ouais, bah ouais. Mais un créationniste américain qui va se rendre sur Google pour s'informer sur les origines de l'univers, on va lui balancer ses certitudes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et puis, ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a une espèce de biais qui a été introduit par Google avec ce système. Je suis très méfiant. Tout à fait, il y a une perte de neutralité très claire et Google va nous retourner ce qu'il croit qui va nous intéresser. Il va plus du tout étendre le panel de résultats d'une manière neutre. Il va de plus en plus se centrer sur ce qu'il croit, ce qui nous intéresse, quoi. C'est le problème, Ouais. effectivement. Bon, fin de la parenthèse, Bah, navré de l'interruption. faut pas avoir de compte Google et tout ça, comme ça restera plus neutre, peut-être. Enfin. Un autre exemple assez intéressant, c'est celui entre deux services de musique en ligne qui sont Pandora et Last.fm. Je ne sais pas si vous les connaissez. En fait, il y a une différence entre les approches de recommandation objet et de recommandation sociale qui peut vraiment bien être illustrée en comparant ces deux services qui sont des services de radio en ligne ou de radio personnalisée en ligne. Pandora, malheureusement, il n'est pas disponible en Europe. Il l'avait été dans tous ses débuts, j'avais eu l'occasion de le tester, mais très vite, pour des histoires de droits d'auteur, il était limité seulement aux États-Unis. Et Last.fm, là, bon, tout le monde peut y avoir accès, en tout cas en Europe, c'est aussi un service de radio personnalisé en ligne. Alors, ce qu'on va voir, c'est que les deux utilisent des approches différentes. Pandora, lui, utilise principalement une approche de recommandation objet. C'est-à-dire, le système se base sur les propriétés de la chanson ou de l'artiste, c'est-à-dire il décompose dans un premier temps les morceaux de musique afin de mettre en évidence ses propriétés intrinsèques. Donc, chaque morceau de musique disposerait de plus de 400 attributs permettant de déterminer une sorte de code génétique de la chanson. C'est ce qu'on appelle le Music Genome Project de Pandora. Et en comparant les propriétés similaires entre les différents morceaux, le système arrive alors à nous proposer de nouvelles chansons à écouter, c'est-à-dire une sorte de station de radio qui diffuse de la musique avec des propriétés susceptibles de correspondre à nos goûts. L'utilisateur peut ensuite aussi indiquer s'il aime ou pas le morceau en écoute et permet ainsi à Pandora d'affiner son fil de recommandation en privilégiant ou pas certains attributs selon l'information venue en retour de l'utilisateur. Donc, on voit que Pandora utilise principalement une approche recommandation objet. Last.fm, lui, utilise une recommandation sociale ou collaborative. Le service crée une station de radio personnalisée en observant quels sont les groupes, artistes et chansons que l'utilisateur a écoutés régulièrement et les compare avec les comportements d'écoute d'autres utilisateurs. Last.fm va alors proposer des morceaux fréquemment écoutés par des utilisateurs ayant des goûts similaires. Donc, chaque type d'approche a ses avantages et inconvénients. En l'occurrence, Last.fm requiert beaucoup d'informations sur les habitudes d'écoute des utilisateurs afin de produire un système de recommandation efficace, parce que c'est typiquement le problème du cold start. Si on n'a pas beaucoup d'utilisateurs, on ne peut pas recommander de la musique. Pandora, lui, au contraire, a besoin de très peu d'informations sur l'utilisateur pour démarrer une radio personnalisée, mais doit disposer d'une base de données gigantesque sur le génome de chaque chanson. Une autre chose, il y a eu de 2006 à 2009, Netflix, donc le service de vidéo en ligne dont j'ai parlé un petit peu avant, a parrainé un concours, le Netflix Prize, offrant un prix de 1 million de dollars à celui qui, à partir d'un set de données de plus de 100 millions d'actions de films, pourrait offrir des recommandations 10% plus précise que celle générée par le système original de la compagnie Netflix. Et le 21 septembre 2009, le prix a été attribué à une équipe appelée Bellscore Pragmatic Chaos, et les gagnants avaient misé sur un mélange de centaines d'approches algorithmiques et méthodes prédictives qui, réunies ensemble, permettent d'être plus performants dans la prédiction. Donc la solution la plus performante semble donc bien s'appuyer sur un ensemble de méthodes algorithmiques plutôt que sur le raffinement et l'optimisation d'une seule technique spécifique. Donc c'est vraiment les méthodes hybrides qui sont les plus performantes. Et pour l'anecdote, le Netflix Prize n'a pas été renouvelé en 2010, car malgré le fait que le set de millions de données fournies aux participants du concours ait été rendu anonyme pour préserver l'identité d'un. Il y a évidemment deux chercheurs de l'Université Texas qui ont été capables d'identifier des utilisateurs présents dans le set de données utilisés lors du concours en les associant et en croisant ces données avec des notations de films qui avaient été soumises sur IMDb, l'Internet Movie Database. C'est une sorte de Wikipédia pour les films. Mais du coup, ils ont réussi à remonter jusqu'à l'identité des utilisateurs juste d'après leur préférence de film. Incroyable. Ouais, c'est dingue. Et bah alors, il s'en est suivi qu'en décembre 2009, un de ces utilisateurs anonymes du set de données a poursuivi Netflix pour violation de la législation américaine en termes de Bah ouais, du coup. confidentialité. Donc voilà, ils ont dû arrêter le concours. Bon. Alors, pour terminer, on va encore parler de l'efficacité d'un algorithme de recommandation. Alors, on a vu que la recommandation sociale, a l'avantage, contrairement à la recommandation objet, de permettre d'effectuer des prédictions, même lorsqu'il y a peu d'informations associées au contenu à recommander, ou lorsque le contenu est difficile d'analyser automatiquement, si c'est des idées, des opinions par exemple. Mais la recommandation sociale souffre aussi d'inconvénients, comme le cold start, on l'a dit, et le problème de rareté. Donc, évaluer l'efficacité des algorithmes de recommandation est loin d'être trivial. En premier lieu, parce que différents algorithmes peuvent être meilleurs ou moins bons en fonction du set de données sélectionnées et sur lequel ils sont appliqués. D'autre part, les objectifs fixés par un système de recommandation peuvent être divers et variés. Un système de recommandation peut être mis en place pour estimer avec exactitude la note que donnerait un utilisateur à un élément, alors que d'autres auront comme objectif principal de ne pas proposer des recommandations erronées. D'accord? On peut donc légitimement se demander jusqu'à quel point ces différentes méthodes de recommandation sont réellement efficaces. Alors, pour déterminer l'efficacité d'un système, il y a des indicateurs qu'on peut utiliser. Alors, un d'entre eux, c'est celui qu'on appelle la précision. Donc la précision, c'est un indicateur qui représente la qualité de la recommandation, c'est-à-dire à quel point les suggestions proposées sont conformes aux intérêts de l'utilisateur. Alors, pour déterminer la précision, c'est tout simple. On prend le nombre de suggestions pertinentes, on la divise par le nombre total de suggestions, et on obtient la précision. Un deuxième indicateur, qu'on appelle recall, ça j'ai pas su le traduire, indique combien de suggestions pertinentes ont été recommandées à l'utilisateur par rapport au nombre total de suggestions pertinentes disponibles dans le système. Or, dit un peu autrement, l'indicateur de précision permet de déterminer la probabilité qu'un élément recommandé soit pertinent, alors que l'indicateur de recall permet de déterminer la probabilité qu'un élément pertinent soit recommandé. Attends, tu peux répéter? Ouais. La précision, c'est la probabilité qu'un élément recommandé soit pertinent. D'accord. Et le recall, c'est qu'un élément pertinent soit recommandé. Ok. Ouais, c'est bon. Okay. On utilise aussi des techniques statistiques pour mesurer l'efficacité d'un algorithme de recommandation. L'idée, là, c'est d'évaluer la précision de la prédiction effectuée par le système en comparant les prédictions avec le choix qu'aurait fourni l'utilisateur dans un cas réel. On utilise, par exemple, l'erreur moyenne absolue, qui mesure la déviation des recommandations prédites avec les choix réels effectués par les utilisateurs. Donc, plus l'erreur moyenne absolue est faible, meilleure est la prédiction. Et pour conclure, la meilleure mesure de l'efficacité d'un algorithme de recommandation et de la pertinence des suggestions, c'est finalement la satisfaction de l'utilisateur, ce qui n'est pas toujours facile à bien identifier. Alors, effectivement. En partageant nos petites expériences, là, on a pu voir que c'était assez variable d'un individu à l'autre. Eh bien, écoute, merci, super dossier. Moi, je vais faire comme Roi Gada dans la chatroom. Je crois que je vais le réécouter une ou deux fois avant d'être sûr de bien le maîtriser. Enfin, c'était quand même assez cossu, c'était bien technique. Ouais, c'est assez lourd, hein, c'est lourd. Ouais. Mais super intéressant. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est principalement ces deux approches, l'approche objet qui se base sur les propriétés des éléments et l'approche sociale qui se base sur les notations des utilisateurs similaires, finalement. Ouais. C'est les deux approches principales. On a Georges Mackie dans la chatroom qui nous dit encore que ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça se base sur de la psychologie sociale, pied dans la porte, etc. C'est vrai qu'il y a cette dimension-là aussi. Hein. Le fait que tu sois déjà engagé dans une relation, quand on vient te proposer un truc, elle vient au bon moment aussi, cette recommandation. Et je pense que ça doit être ça qui justifie les 30% de chiffre d'affaires d'Amazon. Mmh. C'est super intéressant. Puis on a John Kalak aussi qui nous dit qu'il a un diplôme de statisticien, mais qu'il n'a jamais abordé ces algorithmes. Dommage, c'est très intéressant. Ouais, bon, je crois que les algorithmes, le coefficient de corrélation de Pearson et les premiers algorithmes de recommandation, bon, peut-être pas le coefficient de corrélation de Pearson, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, les premiers algorithmes de recommandation objet et dans une certaine mesure sociale ont été un peu mis en avant dans les années 80, je crois, 1980. C'est un peu à cette époque que les premiers algorithmes de recommandation sont apparus. D'accord. Ouais, donc ça met du temps, enfin c'est relativement récent finalement, puis ça va mettre du temps à arriver dans les programmes académiques. Ouais, j'imagine. C'est ça. Ouais, enfin ça dépend des cursus. Mais il y a effectivement beaucoup de statistiques là-dedans. Tu m'étonnes. En préparant le dossier, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de statistiques. Ouais. Ouais, beaucoup de statistiques, beaucoup de maths aussi. Enfin, je m'étais jamais douté que ça puisse être aussi compliqué ces trucs-là. Bah surtout, c'est un peu le problème que j'ai eu, parce que les algorithmes, vraiment au sens propre du terme, c'est des maths. Ouais. C'est vraiment des maths, Ouais, donc bien sûr. c'est impossible d'expliquer comme ça. Et d'ailleurs, je me posais la question vis-à-vis du dossier des algorithmes, sur les algorithmes de Nico de la semaine passée. Je me demandais jusqu'à quel point un algorithme peut être réduit en sous-algorithmes, en une somme de sous-algorithmes. Et je me demande s'il y a une théorie mathématique qui arrive à dire qu'un algorithme ne peut pas être divisé en sous-algorithmes. C'est vraiment, si un algorithme est finalement ne peut pas être réduit, il est fondamental. Je me Ouais, pose la bah ce sera une question. question pour Nico, je pense Ouais. qu'il j'ai déjà peur de la réponse, je le vois venir avec des infinités d'algorithmes. Mais intéressant. Alors, il y a toute une discussion dans la chatroom qui a été initiée par Georges qui demande comment baiser le système. Et Rwagada qui demande comment remettre à zéro ces algorithmes de recommandation pour avoir plus de diversité dans les propositions de Google. Est-ce possible? Ouais, bonne question, hein. Voilà, bon, il y a aussi des réponses qui arrivent dans la conversation. Rwagada qui propose de changer d'adresse IP ou de ligne Internet. Ouais, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Bon, le premier truc à faire, c'est, en tout cas pour Google, c'est de pas avoir compte Google, quoi, pour essayer d'avoir Pour des changer de résultats vie, tout les plus simplement. nets possibles, ou changer de vie, ouais, ou faire comme Xavier Agnès, changer de nom, ouais, je ne sais Ouais, pas. peut-être. Ouais, Jeanne Calac nous dit encore que Pearson et Spearman, ça lui parle, mais pas dans ce contexte. Donc c'est intéressant, Bon, en tant que statisticien, il les a vus. effectivement, parce que c'est des indicateurs qui indiquent une similarité entre deux objets. Donc ces objets, ça peut être n'importe quoi. On peut être dans des domaines complètement différents des algorithmes de recommandation. C'est finalement des indicateurs de similarité. Donc ça peut être utilisé dans plein de domaines. Ouais. Ok, bah écoute, je crois qu'on va digérer tout ça. On va le processer et puis on sait où te trouver si on a des questions. Il y a deux, trois images, tableaux dans le dossier, ça peut peut-être aussi un peu aider à la compréhension. Parfait, ouais. Dossier donc qui est déjà en ligne, qui est accessible via la homepage du site Podcast Science. On trouve autre chose aussi d'intéressant en ce moment sur la homepage du site Podcast Science, c'est l'illustration qu'a fait Nico, qui n'a pas que des talents de mathématicien et de vulgarisateur, il tâte du crayon aussi, ce garçon, et il a illustré ton dossier, Ah, et génial. c'est franchement cool, j'adore. Donc c'est sur la homepage en ce moment, puis autrement, pour celles et ceux qui nous écouteraient une fois que ça n'y est plus, si vous déroulez la homepage jusque tout en bas, vous avez la possibilité de voir les contenus du site par catégorie, bah, il faut aller voir les illustrations, puis vous tomberez sur la plupart du temps les illustrations de Lucille, et puis pour le moment, donc il y a une illustration de Nico, j'espère qu'il y en aura davantage. Celle-là va pas rester très longtemps d'ailleurs, parce que Lucille nous a promis une nouvelle illustration pour dans pas longtemps. Bah, c'est pour le dossier de la semaine prochaine, ça me donne l'occasion de faire une transition toute trouvée. Donc la semaine prochaine, on devait parler de fourmis initialement, parce qu'on a des tas de choses passionnantes à raconter sur ces petites bêtes. Et puis on a même une interview dans la boîte de l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la question. C'est donc un myrmécologue, ce sont les entomologistes spécialisés dans les fourmis. Parce que ouais, les fourmis, elles ont juste plein de trucs à nous apprendre, quoi. Elles ont inventé 60 millions d'années avant nous la division du travail, l'agriculture, l'armée, même la banque de sperme. Et leurs comportements sociaux leur permettent de vivre plus longtemps que les autres insectes. Et elles ont un succès évolutif absolument épatant. Par exemple, moi, j'ai découvert dernièrement, c'est ce qui m'a donné envie de faire le sujet, que leur biomasse, donc la biomasse, c'est l'ensemble des fourmis qui vivent actuellement sur la planète. Enfin, le poids de l'ensemble des fourmis qui vit actuellement sur la planète vient seulement d'être dépassé par la biomasse des êtres humains. Donc ces espèces de tout petits bouts de machin, là, ils sont tellement de millions de milliards qui sont aussi lourds que nous. C'est quand même juste incroyable. Ouais, c'est Mais incroyable. ouais. Mais il y a un truc qu'elles n'ont pas inventé, les fourmis, c'est la démocratie. Alors pour une fois, et c'est à l'initiative de Nico, on va coller à l'actualité dans le podcast. Comme l'ont fait notamment les podcasts Geekast et Le Rendez-vous de la Tech, qui ont parlé des événements électoraux en France de la semaine dernière. Et puis on va parler démocratie. dans un dossier à trois voix avec notre ami David Xilrian qui va nous rejoindre pour la circonstance. Donc ce sera évidemment sous un angle scientifique, mathématique, mais je crois qu'on va démolir pas mal d'idées reçues. D'ailleurs, je vous propose qu'on écoute tout de suite le 1 minute pitch pour la semaine Les prochaine. sympathisants de la gauche sont-ils de doux rêveurs complètement irresponsables comme semblent le penser les sympathisants de la droite? Ces derniers sont-ils à leur tour de vieux égoïstes incapables de solidarité comme semblent le penser les sympathisants de la gauche? Comment se fait-il que, quel que soit le camp qu'on a choisi, on soit toujours persuadé qu'on a raison et que les autres ont tort? Quelles sont les croyances et les fondements moraux derrière le clivage gauche-droite? Et comment la psychologie explique-t-elle ce clivage? Dans un système électoral démocratique, le vote reflète-t-il vraiment l'opinion de la majorité? En d'autres termes, la démocratie est-elle vraiment démocratique? En fait, est-il possible de créer un système de vote démocratique? Grâce aux mathématiques, on peut prouver qu'il n'existe une et une seule méthode de vote vraiment démocratique. Mais ce n'est pas celle à laquelle vous pensez. Après avoir repoussé tour à tour l'idée de libre arbitre et de décision représentative des espoirs de la majorité, ne serions-nous pas arrivés à un point où le tirage au sort semble une solution viable? Nous verrons que ce système, qui semble à première vue absurde, offre des avantages non négligeables. Mais choisir au hasard nos représentants n'est pas forcément quelque chose d'aussi simple qu'il y paraît, et nous aurons l'occasion de constater qu'il existe bien des façons de tirer au sort nos dirigeants. Est-ce à dire que la démocratie n'est qu'une idée, inapplicable dans les faits? Ne manquez pas l'épisode de l'entre-deux-tours. Oubliez Flambie, Talonnette et Radio Londres et branchez-vous sur Podcast Science. Excellent, on aurait presque dit un spot de campagne publicitaire pour un homme politique hein, ouais, dans l'entre-deux-tours. C'est ouais. Ouais. C'est avec les Français qui parlent, là, des Français représentatifs. Ouais, donc ce sera un épisode où les trois vous allez intervenir. Vous avez dans le teaser, vous êtes intervenus les trois. Vous allez aussi intervenir les trois dans le dossier. Mais... Exactement. Ouais. Donc Nico sur la partie plus mathématique. Moi, ce sera sur une partie plus psychologique, et puis David sur une partie philosophique, avec des propositions de solutions. Ouais. Bah, je me réjouis. Ça a l'air bien. Hein. Ça, je ne sais pas si ça va fausser les votes, si ça va, ça, comme on a dit, on en parlait avant l'émission, mais est-ce que ça va influencer la présidentielle? Je crois pas, mais on va voir. Oh, je crois pas. Bon, on lancera un appel à contribution pour les 75 000 euros d'amende si jamais on a influencé les votes. Ok, les amis. Un t-shirt pour celui qui change son vote. Ouais, par exemple. Ouais, ça dépend. J'ai pas envie de soutenir tous les votes, mais ça peut se négocier. On va enchaîner parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Hélène, je crois que tu avais quelque chose à nous dire concernant la conférence de Nicolas Gauvry. Oui, donc lundi prochain, il y a une conférence de Nicolas Gauvry à Montpellier, au Quorum, sur l'art de mentir avec les statistiques, et j'avais précédemment dit que j'y serais, mais malheureusement, en fait, je ne vais pas pouvoir y aller, donc voilà, je vous préviens, je ne serai pas dans la salle, c'est pas la peine de me chercher. Ah, dommage. Alors, si vous aviez l'intention d'y aller exprès pour rencontrer Hélène, ben, c'est pas une bonne idée. Par contre, allez-y quand même, parce que Nicolas Gauvry, c'est juste exceptionnel, quoi. Donc, t'as dit que ce sera le... C'est quel jour? C'est lundi, soir. Lundi prochain. D'accord, à Montpellier. Ok. Il nous reste que quelques minutes. Alors, on va passer à la quote tout de suite. Donc, cette semaine, ce ne sera pas la quote en anglais de Marco, nouvelle tradition, mais on va revenir aux fondamentaux. C'est Marco qui nous a préparé quelque chose. Mathieu, tu veux dire? J'ai dit Marco, pardon. Mathieu, ouais. Mathieu, tu nous as préparé une quote. Ouais, mais j'étais un petit peu embêté parce que j'avais une quote en tête qui collait pile sur le dossier et je ne l'ai pas retrouvée. Ah. Donc, je l'ai reformulé un peu à ma manière. Le contenu y est, je me rappelais le fond de la quote. Donc, je l'ai reformulé à ma manière, mais je ne sais plus qui l'a dite et comment c'était formulé exactement au départ. Mais bon, vous verrez, il n'y a pas 50 000 manières de dire ça. Alors, en anglais, ça va comme ça. More personalization means less privacy. Ok, donc plus de personnalisation veut dire moins de... comment est-ce qu'on dit privacy déjà? De vie privée. Voilà, de confidentialité, ouais, de vie privée. Ouais, c'est tout le problème bah, de ces algorithmes de recommandation, parce que si on veut avoir des bonnes recommandations, donc une bonne personnalisation, ben, comme on l'a dit un peu avant avec Google, on perd en vie privée. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Ouais, et puis, en fait, c'est ce que tu disais au tout début du dossier. Pour bâtir un système de recommandation, la première chose à faire, c'est de collecter des infos sur les utilisateurs. Ouais. Donc à partir du moment où on concède un petit peu de ces informations, ben, on renonce à leur... Ah, pourquoi il n'y a pas le mot privacy en français ? C'est confidentialité, je crois, non ? Ouais. Mmh. Enfin, ouais, bon, on a pris l'idée. Mais c'est justement un peu tout le paradoxe, parce qu'on a tous finalement envie d'avoir des bonnes recommandations, voilà. Mais on n'a non plus pas tous envie que ces systèmes savent tout de notre vie privée, donc c'est un peu tout le paradoxe de ces algorithmes de recommandation, je trouve. Ouais. C'est vrai que c'est mais compliqué. Mais en même temps, on sait à quoi s'attendre quand on vient sur Internet. Personne nous force à aller sur Internet. Hein. On connaît les risques. Oui, mais bon, on peut plus tellement éviter d'aller sur Internet maintenant non plus, à quelque part. Et puis, est-ce que tout le monde connaît bien les risques d'aller sur Internet ? Je suis pas sûre. Non, ouais. C'est... Voilà. Ouais, je suis pas tellement d'accord avec Marco non plus en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est plus quelque chose de facultatif quoi. Essaye de prendre l'avion sans aller acheter tes billets sur Internet. Ça devient super compliqué. Enfin, je dis sur Internet, sur les sites web des compagnies aériennes. Sans Google Maps, on est paumé. Enfin, c'est devenu sans Wikipédia, on sait plus rien. C'est devenu une espèce d'extension naturelle de nos cerveaux. Franchement, je me demande comment on faisait avant. Je crois pas que ce soit encore facultatif, quoi. Donc ouais, des risques, il y en a. On y laisse un petit peu de notre vie privée, on y laisse un peu de notre identité, on laisse traîner pas mal de traces sur nos comportements. Puis c'est vrai qu'on n'en est pas toujours conscient. Puis même quand on l'est, on peut pas toujours faire grand chose. C'est ouais. Je pense que la question n'est pas encore tranchée. Il y aura encore pas mal de débats là-dessus. Ouais, mais je crois qu'elle sera jamais tranchée parce que c'est inhérent. Voilà, on veut des recommandations. On veut que Google nous trouve tout de suite ce qu'on recherche. Mais ça a un prix, quoi. C'est dévoiler des informations sur nous. Ouais. Bon, il y a Georges qui nous dit multipliez vos identités. C'est vrai que c'est pas bête, mais alors après il faut jongler. Moi j'arriverai pas. Je sais pas comment font ces gens qui utilisent un pseudonyme. Ou alors devenez un vrai geek et vous achetez n'importe quoi pour troubler les algorithmes. Ah ouais, ça c'est l'ultime geek attitude, c'est pas mal, voilà. Ouais. T'achètes des choses qui t'intéressent pas du tout, juste pour tromper les algorithmes. Ça a coûté cher à la longue. Hein. Ouais. Ok les amis, bah, ce sera le mot de la fin. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler politique. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao. Allez, ciao.